pourchassé par deux lettres qui n'avaient pas un son, l'impression d'être l'esclave d'un échantillon. J'ouvre les yeux sur mon réveil qui dit W-O-O-O. Et une voix remplace le pipi, tout ça fait. C'est quoi strip? Soit les bits sont cuits, soit c'est l'asile de suite, je lis. Sur l'écran de mon pomme, le plan de mon bol, mon litre de jus de pomme. Sur le bacon, là je déconne. C'est quoi ce mot sur le talon de mes Air Force? J'suis dans le gaz, en passe d'aller me coucher. Tout ce qui sort de ma bouche. Malgré le café, encore dans les bras de Morphée. Et même mon charfé. Partout des emballages auprès de mon visage. Je deviens barge. This got me going crazy. How can this happen? I think I'm gonna lose my mind. Crazy. This is crazy, crazy. Yeah, this got me going. Aujourd'hui à la une, c'est de la couve à la météo. W et O ont remplacé les mots. Sur les pictos, les logos, sous les photos, de A à Z dans le dico. De l'audio à la vidéo, mono et stéréo. W à la place des zéros sur la Nemo. Même en euros. Quand ma belle me glisse à l'oreille, consonne et voyelle, ça fait. Sur mes lèvres quand j'appelle à l'aide, même mes cordes vocales s'en mêlent. Sur les pochettes du Wu-Tang, de Wu-Kus, des Wu, à Bobby, Wu-Mac, de Face, Wu, à Wu-Space, de Wu-Tube, à Wu-Girl. This got me going crazy. How can this happen? I feel I'm really losing my mind. Crazy. I can't understand. This is crazy. Crazy. Damn. This got me going. J'ai fait un rêve absurde, digne de Malkovich. Un battery pas acoustique, un coma cathodique. Pourchassé par deux lettres qui n'avaient pas un son, l'impression d'être l'esclave d'un échantillon. À quoi ça rime? Est-ce que ça a un sens? Comme mon inconscience délire en mon absence. J'ai pas la réponse, demande à Freud. Je passe à autre chose, il faut que j'ai... Seguimos en RAP Cultura con dos temitas en vivo de su último disco de Kool Gen. Estamos hablando, este MC que tuvo que dejar las tablas porque tiene cáncer de garganta, entonces ahora solamente se dedica a ser productor, o sea, beatmaker, haciendo instrumentales, haciendo la producción de varios discos y ya tiene su propio sello discográfico. Y para dejar reflejado su último recital, lo grabó en DVD y vamos a escuchar dos temitas de este MC de la vieja escuela de Francia. Ah oh, qu'est-ce que c'est sympa, merci. J'en attendais pas tant, c'est gentil, j'apprécie. Mais là, je suis sincèrement parti pour laisser passer mon tour. Ainsi que le plus, c'est mon cerveau fini dans l'arrière-cour. Mais je suis fatal à ce qu'on a eu. Raison de moi, je suis dans un état, comment dire, très proche du coma. Cependant j'avoue que c'est ces moments que je suis le plus créatif sur. Dans ce cas-là, je monte le volume, rallume le spliff et fume. Il ne faut pas qu'il se consume. Seul, c'est une coutume, mec. Mais on passe le spliff, tout le monde. Passe-passe-le-moi, y'a du monde. Passe-passe-le-moi, y'a du monde. Passe-passe-le-moi, y'a du monde sur la corde à l'instant. Mais qu'est-ce, oh, tout le monde. Mais qu'est-ce, oh, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre ce feu. Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place. Plus de bitume, donc encore moins d'espace vital. Et nécessaire à l'équilibre de l'homme. Non, personne n'est séquestré, mais c'est tout comme c'est comme. De nous dire que la France avance alors qu'elle fonce. Par la répression, ce qu'on pénètre à des locaux. S'il vous plaît, un peu de bon sens. Les coups ne régleront pas l'état d'urgence à coup sûr. Mais ce qui m'amène à me demander combien de temps tout ceci va encore durer. Ça fait déjà des années que tout aurait dû péter ton mal. Que l'unité n'ait été de notre côté. Mais vous savez que ça va finir mal. Où ça? La guerre des mondes, vous l'avez voulu, la voilà. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour fou ce soir? Mais qu'est-ce qu'on attend pour fou ce soir? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce oh, tout le monde, mais qu'est-ce tout le monde, mais qu'est-ce. Tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Dorénavant la rue ne pardonne plus. Nous n'avons rien à perdre car nous n'avons jamais eu. À votre place, je dormirai pas tranquille. La bourgeoisie peut trembler, les caïras sont dans la ville. Mais pas pour faire la fête, qu'est-ce qu'on attend? Pour foutre le feu, allons à l'Elysée, brûler les queues et les fées, faut bien qu'un jour il paie. Le psychopathe qui sommeille en moi se réveille. Son européen, qui son nom modèle de toute une jeunesse. Vous savez brûler les ailes. J'ai les rêves d'Harry Larsen, de l'espérance. Tout le monde, tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Mais qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu? Mais qu'est-ce oh, tout le monde. Mais qu'est-ce, tout le monde. Tout le monde. Mais qu'est-ce ça, chez nous ça fait. J'balance un son pour les combats. Y'aura pas de celle l'aura. Mais plutôt un climat clair, comme toi y'a pas l'OV. Et face à ça, pas question de se sauver. Restez statique, bêtement, lève les mains. C'est ton âme que je la sauver. Ça c'est mon souci. Voilà pourquoi lorsque la donne est faussée, moi et mes potes on fronce les sourcils. Réduction faut faire de force. Les portes pour les forcer. La bombe, pour si j'ai dit sois jamais désamorcé. Mais faut que ça puisse faire bling bling. Même si mes lyrics ne sont pas bling bling. Ouais faut que ça passe dans les clubs quand même. Le son de la basse quand même. Rappelez ses esprits et puis que la masse quand même. Ça sent le mal ouais. Normal sur mon son que ça s'emballe. Ça fout la merde comme dans une soirée à 30 balles. Bla bla. Voilà ce que ça va faire sur le beat papa. Hardcore smooth comme le beat papa. Sur chaque fois. Y'a plus de surface sans poser sur le beat papa. Sans tout y'a pas de thème, pas de style, récit pas d'aime pas. Récit pas d'aime. God damn. C'est le retour des masters donc. Mais pas trop zèle, augmente le son bon blaster. Vas-y fous les watts, on va blaster. C'est tout blaster. On nous écoute jusqu'à blaster. Si j'ai pas fleur. Son, ouais, fais bouger les gens hein. C'est ça, vas-y fais vibrer les plans. Allez scratch, allez lâche. Comment bon, ça perd, on sait que ça transpire dans les boîtes. Comment mec, j'suis back dans les bagnons. Sur les dance floor, sur le beat, ça fait 15 ans j'pratique le même sport. Yes, c'est chiant, yes, sur le beat, yo, beat, yo. Touché, touché. Cool, vous dites que ça fait cool, cool. Et quand je dis c'est, vous dites trop, ça fait c'est. Eh la famille, on dirait le marché de Saint-Denis. Il y a plein des soirs et c'est mouillé en soir. Un dimanche. Yes. C'est le dernier round ce soir. Ouais. Ok, ça mérite. Ça mérite une petite explication autre que pour les médias. Je vais vous lâcher un petit lyrique qu'on a écrit il y a une quinzaine d'années et qui faisait, écoute ça. Quelle chance. Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence. Dans l'insouciance générale, les fléaux, ça c'est anormal. Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal. va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux. Toi qui commande en haut lieu, mon appel est sérieux. Non, ne prends pas ça comme un jeu car les jeunes changent. Voilà ce qui dérange, plus question de rester passif en attendant que ça s'arrange. Je ne suis pas un leader, simplement le haut-parleur. Le monde de demain, quoi qu'il advienne, nous appartient. La puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Yes. Ça a été écrit il y a une quinzaine d'années et ça a fonctionné parce que c'était dans l'air du temps, parce que ça collait à l'époque, parce qu'on savait ce qu'on avait à revendiquer, parce qu'on savait que la rue était en train de nous écouter et que quand on collait à cette époque-là et à ce moment-là, maintenant pour moi c'est l'heure de passer le relais. Il y a du monde derrière, il y a du très très lourd en ce franc, il y a beaucoup de rappeurs qui arrivent, il y a beaucoup de producteurs, beaucoup de labels indépendants. Una de las crew de Saiyan Super Crew es OSFX y que tiene un álbum en su haber, y elegí tres temitas de este su único álbum, que es un poco medio, o sea, es un poco electrónico la onda de las instrumentales y metiendo un poco de rap en las vocales, así que qué le parece si compartimos tres temas, France, Liens y Lagos. Entonces, OSFX de su disco Offline. Si maman veut pleurer, mes cris sont ses larmes. Si maman veut fuir, c'est son devoir. Enfant tabou à pour aller, je suis quand même là. Et si maman pleure, c'est qu'elle peut plus me voir. Et si maman fuit, c'est qu'elle est là. Enfant tabou à pour aller, je suis quand même là. Je suis quand même là. Elle est contre que je sois membre de sa famille, contre mes frères et sœurs en nombre si sombre. Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle a des gamins à l'abandon? Je refuse son pardon, elle qui ose dire qu'on encombre. J'ai trop de dossiers à son encontre, trop de dossiers sur son dos. C'est définitif, je me vide de mes reproches. Elle qui me vide mes poches, m'empêche d'aller là où je veux, montrer tout ce que je vaux. Tout ce que je vois, c'est qu'elle est responsable de tout ce que je vis. Là d'où je viens, elle me le cache. Elle même qui couche avec ses voisins, tout ça parce qu'elle me le cache. Monnaie, malmenée depuis toujours, la raison m'a mené de décrocher mes babines de ses sales nénés. Je me plains même si c'est pas la pire, je me plains car elle a pris peur de ses propres gosses. Si maman veut pleurer, mes cris sont ses larmes. Si maman veut fuir, c'est son devoir. Enfant tabou à pour aller, je suis quand même là. Et si maman pleure, c'est qu'elle peut plus me voir. Et si maman fuit, c'est qu'elle est là. Enfant tabou à pour aller, je suis quand même là. Je suis quand même là. Elle était pas dotée d'amour bien qu'adoptée. Elle m'a avorté, voté contre la dote. Rip qu'elle avait mis de côté. Je risque d'être gêné. Timothée, Eric, mes aînés. Elle disait m'aimer. C'était pas férique, on n'a pas fait rec. Elle m'a plus déféré au parquet que je ne l'ai fait rire. Elle m'a parqué dans le béton. Tombe bercé. Pour pas que bébé tombe, j'ai voulu percer. Du fond de ma belle tombe, elle me gêne et cependant. Maman, je t'aime et c'est tentant. Pour toi de pointer le doigt sur nos mésententes. Est-ce que t'entends que tes enfants sortent pas l'amour qu'il aurait dû? Chante pas, crache sur ton étude. Mais qu'en penses-tu? Est-ce mon sang qui dit ma naissance pue ou le manque de ma tendue qui dès l'enfance tue? Je me plains même si c'est pas la pire, je me plains même parce qu'elle a pris peur de ses propres si gosses. Si maman veut pleurer, mes cris sont ses larmes. Si maman veut fuir, c'est son devoir. Enfant tabou à pour aller, je suis quand même là. Et si maman pleure, c'est qu'elle peut plus me voir. Et si maman fuit, c'est qu'elle est là. Enfant tabou à pour aller, je suis quand même là. Quand même là. Enfant tabou à peau aller. Enfant tabou à peau aller. Mes mains sont sales, mon teint salé. Entends mes souffrances, t'entends. Écoute mes confidences. Je vis en toi, tu vois mes larmes et maudit ma naissance. Ok, ok. Consciente de ses crimes, qu'on dénonce au crime. Elle souhaite qu'on crime. Elle se vexe que certains esprits crament. Son vice qui pue comme le trône. Son but c'est garder le trône. Alertez-la, que c'est le drame, on va l'arrêter là. Prouver qu'on a des gros crânes. À la bonne nous allaiter la place que nous doit n'est pas celle de l'étalage. Je me plains même si c'est pas la pire. Je me plains car elle a pris peur de ses propres gosses. Si maman veut pleurer, mes cris sont ses larmes. Si maman veut fuir, c'est son devoir. Enfant tabou à peau aller, mais je suis quand même là. Et si maman pleure, c'est qu'elle peut plus me voir. Et si maman fuit, c'est qu'elle est là. Enfant tabou à peau aller, mais je suis quand même là. Je suis quand même là. Thank you. tout, je m'en branle dans aucun moule. Je rentre que tout ce monde se rende compte que on fixe des barques en grande pompe ou doucement sous ce nom se cache deux âmes tourmentées. Le manteau, premier texte où je prône l'excès. Sous le manteau, un mec sexe sans le sous-vexer. À force de taf, j'ai gravi les étages case par case. Donc de mes échecs, monter les échelles. Stopper les pitreries que les teintes rouges. Sur un son groupé, pas typé, ben douche, douche, viens, porte peu. J'apporte plein de bonnes vibes au peuple au wack, applique un putain de pain bouge. On a le cul scellé, puis scellé, serve les du bise. On n'a pas plus mêlé, c'est les autres qui le disent. C'est les sur disque, casier les sur scène, mais lésés qui réunissent pas des effets qu'ils aiment. Alors viens, c'est au fixe, on t'emmène. Sur les traces de nos vibes et pensées toutes saines. Y'a pas de pote autour, y'a rien de personnel. Ceux qui nous aiment nous retrouvent sur scène. Alors viens, c'est au fixe, on t'emmène. Sur les traces de nos vibes et pensées toutes saines. Y'a pas de pote autour, y'a rien de personnel. Ceux qui nous aiment nous retrouvent sur scène. Bicelo, homme de l'Est, réaliste, crée sa propre liste. Pour ceux qui veulent sortir de leur chrysalide, je ne crains d'être sali par ceux qui ne veulent s'allier. Ouais, ça peut me vexer, mais je suis flexible. N'est pas dans mon lexique, mais si mes textes ne t'excitent pas, prends l'exit, j'évite l'exil. Ou autant exiger ma glotte, exige comme un bloc dans une grotte pour que je m'étouffe au dioxyde. La bouffée d'air OFX existe et non laxiste, on s'active au remue-ménage. En parlant de nos vies, de nos rires, de nos larmes, ici c'est nos limites comme un novice. Viens, c'est au fixe, on t'emmène. Sur les traces de nos vibes et pensées toutes saines. Y'a pas de potes autour, y'a rien de personnel. Ceux qui nous aiment nous retrouvent sur... Je lutte, c'est non pour qu'on se lave, mais pour que l'autre constate que notre histoire est délicate. L'atmosphère est épaisse de haine et pousse les haine GROS à ne pas lancer de SOS. Hélas, l'hostilité est la facile, et laisse néfaste. Effacer ma force d'esprit, je perds la face. Mon double me mord, et vu le mal que ça a fait, l'espoir en moi ça affaisse. Alors viens, que je t'explique pourquoi les miens se croient peu respectables, parce qu'abonnés au sale de l'otable. Leur dire qu'on est fabuleux, les miens ne sortent pas du lot. Derniers à la table, le premier à l'abattoir. Tu vois le tableau, c'est les sur disques, casiers, les sur scène, mais lésés, car on n'use pas des effets qu'ils aiment. Alors viens, c'est au fixe, on t'emmène. Sur les traces de nos vibes et pensées toutes saines. Y'a pas de potes autour, y'a rien de personnel. Ceux qui nous aiment nous retournent sur scène. Alors viens, c'est au fixe, on t'emmène. Sur les traces de nos vibes, c'est pensé toutes saines. Y'a pas de pote autour, y'a rien de personnel. Ceux qui nous aiment nous retrouvent sur scène. Viens. Let us unite, stop cheating each other. Whoa. Me people, me equal, me power. We shall fuck Babylon since me brother. Whoa. Come to us, come see me brother. Bobo, you're bad, dada. But Moussa, you're bad, yeah. Aha. Ici du champ de canne, de coton. Nos gens cannent, méchants et en troquant un trop plein de larmes. Maintenant trop con, nos gros sons devenus trop grands, nos vibes bien trop courtes. Nos mots sont devenus trop blancs, nos croyances s'écroulent. Nègre bamboula, le rythme est la nature. Rayez le rythme des frères, c'est s'autoraturer. Rête les frères, non c'est pas dur, respire. Nos ailes tapent et demain leur vie reste pire. Hop, telle est notre force, yeah. Et pop, telle ou autre danse, yeah. En dépit des problèmes, en garde au lien. Telle est notre chance, on t'échange nos problèmes. Hop, telle est notre force, yeah. Hip hop, telle ou autre danse, yeah. En dépit des problèmes, en garde au lien. Telle est notre chance, on t'échange nos problèmes. La vibe qui dégouline des enceintes, via des collines. L'Afrique émet en fuite les hooligans. Le rythme dans la peau, même peau. On tourne que les notes sans faute, c'est bon pour la côte. Mais personne nous écoute, yo. Les mercures retentissent dans la bourse. Mais tous se poussent et on la fausse. C'est le ballet du bamboula au bras ballant. C'est la danse du bras balais. Allons, allons contre des nonchalants. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui aime beaucoup sourire. Car peu nous vit, il sonore dans un contexte sonore. Impose ses normes, fait son scénario seul. Et c'est dépassé du sol. On se sent par des pas de danse dans tous les sens. N.W. Zouk sera jamais maîtrisé par W. Bush. C'est Babylone calo à la bouche. Hop, telle est notre force, yeah. Hip hop, telle ou danse, yeah. En dépit des problèmes, en garde au lien, Babylone. Telle est notre chance, on t'échange nos problèmes, yeah. Hop, telle est notre force, yeah. Hip hop, telle ou danse, yeah. En dépit des problèmes, en garde au lien, Babylone. Telle est notre chance, on t'échange nos problèmes.

nettoyer la racaille. Nous partons donc archériser l'Elysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillons dans la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation. Article 49.3, pression, couvre-feu, dépassé. Ta 5ème république a pris un coup de vieux. Nos ras-le-bol s'élèvent. Gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral. Les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Elysée qu'on se cache plus grand des racailles. Nettoyage au Karcher, gouvernement honteux, honteux, honteux. Est-ce que rien n'amène à la démission? Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Elysée qu'on se cache plus grand des racailles. Nettoyage au Karcher, gouvernement illégitime depuis le nom, nom, nom, la constitution européenne. Schizophrène aux valeurs hypocrites qui écœurent, stigmatisent nos quartiers pour que les autres aient peur. Des politiques qui jouent les acteurs n'assument pas le passé colonial. Et quand les banlieues pètent, accusent les rappeurs. Mauvaise foi exemplaire ou mémoire sélective au doux. Ce France de mon enfance joue l'amnésie. Que fait la belle quand elle parle d'immigration? Ce n'est pas ton peuple ou collabo qui s'est battu contre l'occupation. Au sein de ton podium, toi plus fut si fier de tes soi-disant droits de l'homme et de ton siècle de lumière. Ta philosophie humaniste s'est arrêtée à la théorie quand tes armées sont parties coloniser l'Afrique. La liberté d'expression, comme tout à deux vitesses, islamophobie à tout va, mais ne critique pas Israël. C'est la politique schizophrène de la France. Fracture sociale maintenue et par l'égalité des chances. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Elysée qu'on se cache plus grand des racailles. Nettoyage au Karcher, n'est pas ton peuple pour la peau qui s'est battu contre l'occupation. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Elysée qu'on se cache plus grand des racailles. Nettoyage au Karcher, islamophobie à tout va, mais ne critique pas Israël. Idéologie mensongère, nous la font à la transversale. Sortez les dossiers noirs, France-Afrique demande à Berchab. La France a oublié pour les quelques-uns qui vivent bien que certains sont morts pour le droit des travailleurs. Rappelle-le à Villepin. Contrat première embauche, c'est exécute ou dégage. Régression sociale à tous les étages. Bientôt le point de non-retour au royaume des aveugles. Les borgnes sont rois comme un facho. Au premier tour, Super Soro est arrivé. Un Sarkozy totalitaire. N'oubliez pas que c'est par les hommes qu'est arrivé Hitler. Un ministre pro-Bush, l'OMC à son élève. Guillaume Sarkozy, vice-président du MEDEF. Pendant que les privatisations sèment la colère, nos politiques s'en réjouissent, en sont devenus actionnaires snopes. Des protestations, puis les criminalisent. Envoyez même le GIGN pour stopper des grévistes. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Elysée qu'on se cache